C'était il y a 2 ans, dans une ville de Beyrouth qui avait recouvré la paix et peu à peu effacé les stigmates de la guerre. Il est 9h30 du matin. Un 4x4 aux vitres fumées pénètre dans le quartier d'Azmieh, à la périphérie de la capitale libanaise. Soudain, alors que l'auto se porte à la hauteur d'une Mercedes garée le long du trottoir, c'est l'explosion. Énorme. Les deux voitures sont pulvérisées et brûlent aussitôt. Les 4 passagers du 4x4 sont tous morts. L'un a été projeté à 50 mètres. Le corps d'un autre a atterri sur un balcon au 3e étage d'un immeuble. De toute évidence, la bombe qui se trouvait dans la Mercedes était télécommandée et elle a été actionnée à vue au passage du 4x4 par un homme qui se trouvait quelque part dans les immeubles de la rue. Celui qui était visé par cet attentat est rapidement identifié. Il s'appelle Eli Obeika. Les 3 autres étaient ses gardes du corps. Obeika, ancien chef des milices chrétiennes, l'homme qui a sans doute présidé au massacre de Sabra et Shatila et qui s'était refait une virginité en entrant au gouvernement libanais. Un personnage implacable qui s'était enrichi grâce à la guerre civile, avait été mêlé à de nombreux assassinats et avait fini par trahir les siens en prenant le parti de la Syrie. Autant dire que beaucoup de gens pouvaient avoir de sérieuses raisons de vouloir sa mort, à commencer par certains Israéliens qui pouvaient tout craindre des révélations que Obeika avait promis de faire lors de sa prochaine audition par la Chambre belge des mises en accusation, chargée d'instruire une plainte contre Ariel Sharon à propos des massacres de Sabra et Shatila. Alors qui et qu'en était-il vraiment de sa responsabilité dans ces tueries qui ont provoqué la mort de plus d'un millier de réfugiés palestiniens? Dans un instant, les réponses de M. X. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles en l'air. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles en l'air. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Elle dira ta chère, c'est ton devoir de le faire. Darkman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je vois empire de lumière. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Elle dira ta chère, c'est ton devoir de le faire. Darkman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je vois empire de lumière. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles en l'air. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Il faut élucider dès maintenant tous ces mystères. À présent, oui, je rentre dans le vif du sujet. Du vrai problème, ah oui, je viens vous parler. Je parle des enfants qui ont été calcinés. Je parle de mes sœurs qui ont été violées. Qui ne peuvent plus voler, assoiffés de joie et de liberté par ce diabolique système en train de diriger. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles en l'air. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles. Roque o limac, France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Beyrouth, en 1982, c'était l'enfer. Ça faisait 7 ans que les différentes factions se livraient à une guerre impitoyable et fratricide. Une guerre attisée par les pays de la région, Syrie, Israël, Iran, Irak. Chacun avait son champion, si je puis dire. C'était une guerre par milices interposées. Oui, et au gré des événements, les alliances pouvaient changer. Les chrétiens, par exemple. Après avoir appelé au secours, les Syriens se retourneront contre eux. Il faut aussi ajouter que les grandes puissances étaient aussi impliquées dans cette sanglante confrontation. Mais la vraie question, celle qui a mis le feu aux poudres, c'est la présence des Palestiniens au Liban. Une présence qui date de leur expulsion de Jordanie en 1970. C'est ça, hein. Oui, après Septembre Noir. Peu à peu, Beyrouth était devenue en quelque sorte leur capitale. Et l'OLP de Yasser Arafat y entretenait une importante présence militaire et y avait installé son QG. Une présence embarrassante. En effet, car elle remettait en cause le fragile équilibre entre les diverses communautés libanaises, maronites, musulmans, sunnites et chiites et druzes. Sans compter que les chiites, souvent mis à l'écart, voudront aussi avoir leur mot à dire, surtout après la prise du pouvoir de Khomeini en Iran. Ouais. C'était donc un système politique et administratif basé sur le confessionnalisme. Hein. Et sur sa carte d'identité. Chaque Libanais, en effet, est obligé de faire figurer son appartenance religieuse. Enfin, il faut dire que traditionnellement, les chefs de ces communautés entretenaient des milices armées. Ils se conduisaient en vrai seigneur de la guerre. Oui, n'hésitez pas à se combattre avec férocité pour la conquête du pouvoir et les prébendes qui étaient attachées. Chez les chrétiens, par exemple, les grandes familles avaient chacune leur fief. Mais si vous voulez, on en reparlera un jour. Revenons aux Palestiniens. Leur présence inquiétait autant les chrétiens qu'Israël. Pour Israël, la cause de la frontière nord. Naturellement. Du Liban, les Palestiniens pouvaient frapper les kibboutz situés au nord de l'État hébreu. C'est pourquoi, dès 1978, les Israéliens avaient occupé le Liban sud afin de constituer une ceinture de sécurité. En fait, ça deviendra une enclave chrétienne tenue par une armée à la solde d'Israël et commandée par le général Haddad. Une armée de supplétifs, en somme. Tout à fait. Donc, jamais autant qu'en 1982, la situation n'a été explosive au Liban. Et pour les forces chrétiennes, l'urgence, c'est de chasser les Palestiniens. Et elle ne s'en cache pas. Le chef des phalangistes qui forment le gros des milices chrétiennes, Béchir Gemayel, l'a dit sans embâge. Au Liban, il y a un peuple de trop. Oui, le peuple palestinien. Oui, et presque naturellement, il s'est créé une alliance entre les chrétiens libanais et Israël. Pourtant, le Liban arabe, est toujours officiellement en guerre contre l'État hébreu. Hein. C'est juste. Aussi, cette alliance est-elle discrète? Mais les deux parties poursuivent le même objectif, chasser les Palestiniens et à terme, ils envisagent la signature d'un traité de paix entre leurs deux pays. Cette alliance-là, prend quelle forme? Israël fournit des armes et des équipements militaires aux phalangistes. Et son armée, Tzahal, entraîne ses miliciens, en Israël même. Et donc ça va très loin. Hein. Incontestablement. Et c'est là que nous allons rencontrer l'homme dont je voulais vous parler, Eli Obeika, dit Ashka. Pourquoi Ashka? HK, ce sont les initiales d'Eckler & Co., une célèbre manufacture d'armes allemandes qui fabrique des carabines et des pistolets mitrailleurs d'excellente qualité. Alors c'est tout un symbole, ce surnom. Bien sûr. Obeika est un violent, un type qui adore les armes et n'hésite jamais à s'en servir. Un mot peut-être sur le personnage? Au physique, c'est un homme trapu, visage carré, cou de taureau et moustache à la Saddam Hussein. Né au milieu des années 50, ce modeste employé de banque de confession maronite est presque tout de suite précipité dans le chaudron libanais, comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération. Et très tôt, il s'engage dans les milices phalangistes du cheikh chrétien Pierre Gemayel, qui politiquement se situait à la droite de la droite libanaise. Gemayel, le père de Béchir et d'Amin. Hein. Qui seront tous deux élus à la présidence de la République. Et c'est justement Béchir qui remarque le jeune Obeika et contribue à son ascension dans les rangs des FL, les forces libanaises, qui fédèrent les milices chrétiennes. Il a un tout petit peu plus d'une vingtaine d'années lorsqu'il est nommé chef d'une division chargée des opérations militaires spéciales. Promotion rapide. Certainement. Dans sa partie, Obeika doit être doué. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le Libanais participe non seulement à des manœuvres d'entraînement en Israël, mais il est aussi bientôt chargé d'encadrer les combattants des forces libanaises qui s'entraînent avec Tzahal. Et à cette occasion, il noue des relations avec les services secrets israéliens. Ah, le Mossad. Oui. Et c'est lui encore qui va organiser puis diriger le service de renseignement et de sécurité du parti phalangiste. C'est donc un pion essentiel dans le dispositif militaire des Gay Mayal. Hein. Exactement, et en même temps, sur le terrain, Beika est très actif. Sur le terrain, on parlait des actions armées. Évidemment, ouais. Il s'illustre particulièrement dans l'attaque aux côtés des troupes syriennes du camp palestinien de Tel Hazata. On comptera 2000 morts. Mais auparavant, il a participé à des tueries de musulmans dans les rues de Beyrouth et à d'autres nettoyages, comme on disait alors pudiquement, contre les Palestiniens du Liban Sud. Et il n'a pas agi avec moins de férocité contre les rivaux des Gemayel. Les rivaux chrétiens. Oui, les phalangistes voulaient être les maîtres du camp chrétien. Et pas seulement pour des raisons politiques. Ce qui était en jeu, c'était aussi les divers trafics qui permettaient aux milices d'acheter des armes et aussi de s'enrichir. Contrôler le port de Beyrouth, par exemple, ça permettait de toucher des taxes sur tous les produits, licites ou pas, qui transitaient. Oui, donc des taxes à la place du gouvernement. Ouais, le gouvernement qui n'existait pratiquement plus et ne contrôlait plus rien. C'était donc la loi du plus fort. Absolument. Hein. Et quand vous parlez de produits illicites, vous pensez à la drogue, j'imagine. Bien sûr. La drogue cultivée dans la plaine de la Beka et qui fournissait une part non négligeable des revenus des milices. Alors, ces rivalités, là, au sein du camp chrétien. Les premiers à subir les attaques des phalangistes ont été les membres de la famille Frangier, une famille qui possédait sa propre milice armée et avait donné de nombreux hommes politiques au Liban. Dont au moins un président de la République. Hein. C'est juste, les Frangiers étaient pro-syriens. Mais après tout, les chrétiens, au début de la guerre, avaient appelé les Syriens pour les aider à se débarrasser des Palestiniens. En 1978, je crois, les hommes de Béchir Gemayel attaquent la résidence des Frangiers dans le nord de la montagne libanaise. Tony, le fils de l'ancien président, Soleiman Frangier, est tué. Mais aussi sa femme, sa fille, et une trentaine de ses partisans. Un massacre, quand même. Oui, un massacre entre Maronites. Et Obeika en était? Forcément. Un an plus tard, c'est un autre clan chrétien qui va être attaqué par les phalangistes, celui des Chamoun. Nouveau Mansan? Bien entendu. Entre-temps, Béchir a échappé d'un attentat qui a tué 8 de ses proches et sa fille. Une vengeance? Forcément. En tout cas, cette politique sanglante porte ses fruits. Béchir Gemayel devient le leader incontesté du camp maronite. Et le vieux Camille Chamoun vient même à récipiscence et reconnaît la suprématie des Gemayel. Il faut dire que Béchir s'est montré généreux. Il lui a donné $1 million et lui a concédé une part de ses profits sur un port de la côte libanaise. Il faut donc remarquer que ces luttes interconfessionnelles se déroulent alors même que les chrétiens doivent mener une lutte sans merci contre l'armée syrienne. Oui, parce qu'il y a eu le renversement des alliances. Oui, la présence syrienne au Liban est de plus en plus mal supportée par les maronites. Mais c'est pourtant eux qui ont fait appel à Damas. Ah, c'est exact. Et le président Hafez al-Assad, qui a toujours considéré que le Liban appartenait à la Syrie, a répondu aussitôt. Mais la situation devenait de plus en plus tendue. Et l'assassinat des Frangiers a décidé les Syriens à engager une véritable guerre contre les forces libanaises. Beyrouth Est, leur fief, a alors été bombardé presque quotidiennement. Et ça a eu une conséquence immédiate. Israël détenait maintenant une bonne raison pour intervenir ouvertement au Liban. Et bientôt, ce seraient Sabra et Shatila. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La lutte entre les milices chrétiennes rivales a été implacable. Un seul exemple, le 17 juillet 1980, 1200 combattants phalangistes donnent l'assaut aux casernes côtières des hommes de Dany Chamoun, les Tigres. Le garde du corps d'Eli Obeika, Robert Atem, dit Cobra, raconte. La bataille fut sanglante. Des dizaines de civils furent tués sur les plages et dans les rues. Nous avions en effet l'ordre de tirer sans discrimination et ce fut une véritable hécatombe dans les piscines et les chalets des complexes touristiques qui grouillaient de civils et où les Tigres s'étaient retranchés. Arabier Marine, toute la haine contre ceux qui avaient entravé notre route, nous avaient poignardés dans le dos et avaient tué nos camarades, a jailli et s'est déversée rageusement. Nous étions devenus des zombies, hébétés, programmés pour tuer, incapables de réaliser que ces pauvres gens qu'on abattait de sang-froid étaient comme nous, des chrétiens. Certains médias ont affirmé que nous étions drogués, mais ce n'était pas vrai. Nous avions tout simplement subi un lavage de cerveau qui avait fait de nous des marionnettes. La voix d'Eli Obeika, dictant ses ordres, vrombissait dans mes oreilles pendant les combats. J'étais comme les autres combattants, hypnotisés. Nous n'avions pas le temps pour les états d'âme. Nous jetions des innocents par les fenêtres des hôtels et nous mitraillions les baigneurs dans les piscines. Ce récit est extrait du livre de Robert Atem, Dans l'ombre d'Obeika, paru aux éditions Jean Picolec. Il était clair que les Israéliens ne pourraient pas accepter une mainmise militaire syrienne sur le Liban. Et à plusieurs reprises, ils avaient montré leur impatience en bombardant Beyrouth, en détruisant quelques appareils syriens et en consolidant leur emprise sur le Liban Sud. Il me semble me souvenir qu'il y avait justement au sud du Liban des troupes de l'ONU. Hein. Oui, la FIUL. Et ça arrangeait bien Israël car ça faisait une ceinture de sécurité supplémentaire. En 1981, premier signe que l'État hébreu envisage une intervention au Liban. Son ministre des Affaires étrangères, Itzhak Shamir, déclare qu'Israël ne peut rester les bras croisés devant les massacres des chrétiens du Liban. Oui, c'est sincère, ça? Franchement, j'en doute. En fait, ce que veut Israël, c'est à la fois donner un sérieux avertissement à Damas et surtout en finir avec les Palestiniens qui sont toujours installés au Liban. Il y a aussi la volonté d'installer à Beyrouth un pouvoir chrétien avec lequel il sera enfin possible de faire la paix. Oui, mais il faut justifier cette intervention, ou plutôt cette agression. Évidemment. En avril 82, un diplomate israélien en poste à Paris est abattu. Quelques jours après cet attentat, l'aviation israélienne bombarde des positions palestiniennes près de Beyrouth. Mais le vrai prétexte, vous le savez, puisqu'on en a parlé il y a peu de temps, c'est Abou Nidal, qui va le leur donner en juin en faisant assassiner l'ambassadeur israélien à Londres. Abou Nidal qui aurait peut-être eu partie liée avec les services israéliens. C'est en effet très possible. Quoi qu'il en soit, la riposte israélienne est immédiate. Après un raid aérien de représailles sur des positions palestiniennes à Beyrouth, raid qui fait plus de 200 morts, Tsahal lance l'opération Paix en Galilée. C'est-à-dire l'invasion du Liban. Oui. Au départ, il n'est question que de repousser les Palestiniens 40 km au nord de la frontière libanaise. Mais Ariel Sharon, qui commande les troupes israéliennes, n'a pas l'intention d'en rester là. Il a une occasion unique d'en finir avec les Palestiniens et leur chef, Yasser Arafat. Et trois jours après le début de l'offensive, Tsahal se trouve à seulement 10 km de Beyrouth. La question qui se pose est celle de l'autonomie de Sharon. En outrepassant les objectifs initiaux de paix en Galilée, agissait-il en accord avec son gouvernement ? Je me souviens d'une déclaration qu'il a faite deux ou trois semaines avant son entrée dans Beyrouth Ouest, tout en démentant avoir l'intention de donner l'assaut à la capitale libanaise. Il a néanmoins avoué, je vous dis ça de mémoire, « Si j'avais été convaincu qu'il nous fallait entrer dans Beyrouth, personne au monde ne m'aurait arrêté. Démocratie ou pas, j'y serais rentré, même si mon gouvernement n'était pas d'accord. Bon, » ça me semble clair. Ouais. Il était donc prêt, déjà, à enfreindre les ordres qu'on lui avait donnés. Oui, mais je peux vous dire que lorsqu'il donne cette interview, tout était déjà prêt pour l'invasion de Beyrouth. Alors, voyons peut-être la chronologie. Volontiers. L'offensive est donc déclenchée le 6 juin, tandis qu'une partie des troupes de Tsahal, au prix de rudes combats avec les Palestiniens, s'emparent des villes du sud, d'autres sont montées vers la capitale. Et dès le 13, Beyrouth est encerclée, au sud et à l'ouest par les forces israéliennes et à l'est par les forces chrétiennes de Gemayel. Les alliés, là, ont donc fait leur jonction. Oui, et Arafat et les siens sont pris au piège. Bon, je passe sur toutes les manœuvres diplomatiques qui vont occuper les mois de juillet et d'août, manœuvres ponctuées de violents bombardements israéliens. L'opération Paix en Galilée a déjà fait 20 000 morts. Et la communauté internationale réagit en décidant l'envoi à Beyrouth d'une force multinationale d'interposition, la FMI. Avec une forte présence française. C'est exact. On s'achemine très vite vers l'issue que souhaitent les Israéliens, c'est-à-dire l'évacuation des Palestiniens. Et était-ce aussi ce que souhaitait Sharon ? Non, le général israélien lui aurait voulu, je vous l'ai dit, pénétrer immédiatement dans Beyrouth et liquider Arafat. Mais les réactions à l'étranger et son premier ministre Begin l'en empêchent. D'autre part, une pièce de son dispositif coince. Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Des accords avaient été passés avec le chef du camp chrétien, Béchir Gemayel. Et il était prévu que les forces libanaises entreraient dans Beyrouth-Ouest dès que Tsahal serait aux portes de la ville. Gemayel de commencer à faire le sale boulot. Oui, et ensuite Sharon serait venu lui donner un coup de main. Et dans les décombres, Israël aurait enfin signé un accord de paix avec le Liban. Essentiellement avec les chrétiens libanais, hein, vous voulez dire. Bien entendu, oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Gemayel se garde bien de donner l'assaut à Beyrouth-Ouest où se terrent les Palestiniens. Et devant les signes d'impatience de Sharon, il dit qu'il veut d'abord se faire élire président de la République. Et il pense, non sans raison, que si ses troupes entraient dans Beyrouth-Ouest, cela compromettrait ses chances. Ses chances d'élection, hein, parce qu'il apparaîtrait trop ouvertement comme l'allié d'Israël. C'est ça. Et c'est un argument que peut comprendre Sharon. Si Gemayel est élu par le Parlement, les Israéliens sont persuadés qu'on en arrivera rapidement à la signature d'un traité de paix. Donc il leur faut attendre un peu. Mais pas l'arme au pied, ce n'est pas le genre de Sharon. Dès le début du mois d'août, les blindés israéliens pénètrent dans Beyrouth-Ouest et la traque des Palestiniens commence. C'est une guerre de rue impitoyable. Mais une nouvelle fois, la communauté internationale, et surtout les États-Unis, interviennent et imposent un cessez-le-feu. Ça permet aux premiers éléments français de la force multinationale de débarquer à Beyrouth. Oui, je me souviens que c'est sous leur protection, sous la protection des Français, que les combattants palestiniens, Arafat en tête, vont pouvoir quitter Beyrouth. Oui, oui. Vous vous souvenez certainement des images de ce départ où les Palestiniens essaient malgré tout de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Enfin, poursuivons, car les événements vont se précipiter. Une semaine plus tard, Béchir Gemayel réalise son rêve. Il est élu président de la République libanaise. Et aussitôt, les Israéliens lui demandent de respecter sa parole, car après tout, il n'aurait sans doute pas été élu si Tsahal n'était pas entré au Liban. Il lui demande donc la signature d'un traité de paix, c'est ça ? Mais Gemayel n'est pas pressé. Au cours d'une rencontre secrète avec Begin, Shamir et Sharon, il fait valoir que s'il signait, cela aurait de graves conséquences pour le Liban, qui serait isolé au sein du monde arabe. C'est pourtant ce qu'a déjà fait Sadat. C'est vrai, mais la situation libanaise est encore explosive. Et Béchir Gemayel explique qu'il a d'abord besoin de consolider son pouvoir. Et les Israéliens doivent être furieux. Oui, ils ont l'impression d'avoir été dupés. Ce n'est sans doute pas un hasard si, dès le lendemain, des fuites dans la presse font état de cette rencontre ultra-secrète. Des fuites intentionnelles. Naturellement. Les Israéliens veulent faire pression sur Gemayel. En le compromettant aux yeux de l'opinion arabe. Et des musulmans libanais. Alors rapidement, les relations entre Gemayel et les Israéliens s'enliment. Sharon menace de rester au Liban. Le leader chrétien riposte en déclarant que son objectif prioritaire est de rétablir son autorité sur tout le Liban. Et la paix avec Israël, si paix il doit y avoir un jour, viendra plus tard. La suite, vous la connaissez, le 14 septembre, trois semaines seulement après son élection, Béchir Gemayel meurt dans un attentat à l'explosif. Alors oui, arrêtons-nous un instant là. Qui se trouve derrière selon vous ? Bon, on a le choix, si je puis dire. On peut d'abord penser aux Israéliens qui estimaient avoir été trompés par le jeune président libanais, mais je n'y crois pas. Au contraire, ils avaient intérêt à maintenir la pression sur Gemayel et pouvaient penser qu'il finirait par plier. Alors qui d'autre ? Les Syriens. Naturellement, qui avait de bonnes raisons d'éliminer un président qui leur était hostile et avait passé des accords avec Israël. Et puis, il y avait ses ennemis traditionnels. Ses rivaux chrétiens qui l'avaient fait assassiner. Oui. Alors, votre opinion, hein ? Les services de Damas ont certainement été mêlés à l'affaire. Mais les hommes qui ont perpétré l'attentat étaient des Libanais. Des Libanais pro-syriens. Et parmi eux, je suis sûr qu'il y avait Obeika. Mais Obeika, c'était pourtant un fidèle de Gemayel. Certainement, mais c'était un ambitieux. Et il en avait peut-être assez de n'être qu'un super garde du corps. Et j'en veux pour preuve de son éventuelle culpabilité deux éléments essentiels. Le jour de l'attentat, bizarrement, l'unité spéciale chargée de la protection de Gemayel était absente. Or, cette unité était placée sous la responsabilité d'Obeika ? Oui, autre indice. Obeika, qui avait été farouchement pro-israélien, va bientôt tourner kazakh et se rapprocher des Syriens. En tout cas, cet attentat spectaculaire va avoir de dramatiques conséquences. France Inter, rendez-vous avec X. Je ne veux pas déflorer la suite du récit de Monsieur X, mais voici ce que je lis dans l'ouvrage d'Amon Kapeliouk, Sabra et Shatila, enquête sur un massacre, À propos des intentions d'Ariel Sharon, dès le mois de juillet 1982, alors que les forces israéliennes encerclaient Beyrouth. Les forces palestiniennes et progressistes s'étaient entre-temps organisées et fortifiées à l'intérieur de Beyrouth Ouest, créant ainsi un risque de pertes importantes du côté israélien en cas d'assaut. Ce n'est pourtant pas ça qui dissuadait le général Sharon. Des officiers israéliens importants, ayant participé au siège de Beyrouth, et parmi eux le colonel Eli Geva, qui devait démissionner fin juillet en signe de protestation contre une éventuelle attaque sur Beyrouth Ouest, ont raconté depuis que les préparatifs d'un assaut avaient bel et bien été mis au point durant le long siège et qu'il ne manquait plus que l'ordre pour les mettre à exécution. Chaque unité avait reçu pour mission d'investir un quartier ou un bloc d'immeubles particulier et s'était spécialement entraîné à cet effet. Selon ces mêmes officiers, Sharon pressait les politiques d'accorder le feu vert à l'opération. L'attentat contre Béchir Gemayel va donc permettre à Sharon d'exécuter enfin ce plan préparé longtemps à l'avance. Le livre de Kapeliouk a été publié au Seuil. Dès le 15 septembre, c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat de Béchir Gemayel, l'armée israélienne pénètre dans le secteur musulman de Beyrouth. Beyrouth Ouest. Oui, ce qui signifie que l'armée de Sharon était prête. Mmh. Donc avec l'accord du gouvernement israélien. Pas le gouvernement. Le premier ministre Begin et Shamir, le ministre des Affaires étrangères. Les autres membres du cabinet n'ont pas été consultés. Mmh. Mais cette entrée dans Beyrouth Ouest là, des Israéliens, sous quel prétexte? Les Israéliens veulent, disent-ils, vérifier par eux-mêmes que plus aucun membre de l'OLP ne s'y trouve. Car ils pensent que les Palestiniens n'ont pas tous quitté Beyrouth. Oui, ils veulent donc nettoyer la capitale libanaise. Et c'est l'engrenage fatal. Car il existe à Beyrouth deux camps de réfugiés palestiniens. Oui, Samra et Shatila. Hein, deux camps qui se trouvent près du stade. Mais avant d'en venir aux massacres qui vont suivre, il faut souligner un point important. Les militaires de la force multinationale, français, américains et italiens, ont quitté Beyrouth, la veille même de l'assaut israélien. Une coïncidence ? Oh, ça, je ne sais pas. Il est vrai que la mission de la FMI, qui était de procéder à l'évacuation des forces de l'OLP présentes à Beyrouth, était terminée. Mais Arafat et Béchir Gemayel également avaient demandé que le contingent international demeure sur place. Pourquoi ? Pour Arafat, c'était clair. Il avait peur qu'après son départ, les milices chrétiennes n'en profitent pour liquider les civils palestiniens qui restaient dans Beyrouth. Quant à Gemayel, la présence de la FMI était une garantie, à la fois contre les Syriens et les Israéliens. Ouais. Mais la FMI est donc partie. Malgré les promesses qui auraient été faites à Arafat. Et aussitôt, Sharon a décidé d'entrer dans Beyrouth Ouest. Quelle était sa position vis-à-vis des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila? Le général israélien était persuadé que des terroristes s'y cachaient. Mais le gouvernement de Jérusalem lui avait interdit de pénétrer dans les camps. Aussi, le soin de nettoyer Sabra et Shatila a-t-il été confié aux phalangistes, commandés entre autres par Eli Obeika. Malgré les risques de massacre. Oui, telle est la vérité. Parce qu'il était évident que les phalangistes des forces libanaises n'avaient pas de pire ennemi que les Palestiniens contre lesquels ils se battaient depuis 7 ans. Par conséquent, il était certain qu'ils ne feraient pas de quartier. En outre, ils étaient encore sous le coup de la mort de leur chef, Béchir Gemayel. Oui. Et c'est le pire qui est arrivé. Hein, oui, bien entendu, c'était prévisible. Hein. Une véritable horreur. On comptera des centaines et des centaines de morts. Alors même que les deux camps étaient encerclés par l'armée israélienne. Ouais. Donc l'armée israélienne qui a laissé faire. Alors, ça, c'est incontestable. Les soldats israéliens ne pouvaient pas ignorer les crimes des phalangistes. Depuis leur position, ils voyaient ce qui se passait. Donc Sharon, puisque c'était lui qui commandait, est doublement coupable. D'abord, d'avoir laissé entrer les phalangistes dans les camps, et ensuite de n'être pas intervenu pour faire cesser les massacres. Et c'est ce que reconnaîtra une commission d'enquête israélienne. Sharon, vous le savez, sera obligé de démissionner de son poste de ministre de la Défense. Mais, à mon avis, cette commission n'a pas fait toute la lumière sur ces événements tragiques. Car elle n'a accusé Sharon que de responsabilité indirecte dans les crimes de Sabra et Shatila. Or, les choses sont plus compliquées. Expliquez. Je pense que la responsabilité de l'armée israélienne va bien au-delà d'une simple non-assistance à personne en danger. Il y a d'abord ces nombreux témoignages de rescapés qui affirment que des Israéliens étaient présents à l'intérieur des camps lors des massacres. Ça vous semble plausible, ça ? Pourquoi pas. Mais il faut aussi tenir compte du fait que certains phalangistes avaient pu revêtir des uniformes israéliens. Après tout, quand ils s'entraînaient en Israël, ils portaient l'uniforme israélien. Et au cours d'une réunion avec Béchir Gemayel, le chef d'état-major du Tsahel, le général Etan, avait assuré qu'au cours de leurs actions communes, les phalangistes seraient considérés comme appartenant à des unités régulières de l'armée israélienne. Ouais. Et Sabra et Shatila faisaient partie de ces opérations communes. On peut le penser. Mmh. D'autre part, les Israéliens savaient depuis longtemps quelles étaient les intentions des phalangistes. À l'occasion d'une autre rencontre avec des généraux israéliens, Gemayel avait dit crûment qu'il y a un problème démographique avec les Palestiniens. Ouais, le peuple de trop, là. Ouais. La nécessité de procéder à un nettoyage ethnique. Il ressemble, en tout cas. Enfin, il semble bien que c'est Sharon qui a demandé aux phalangistes de nettoyer, enfin, c'est le mot qu'il aurait employé, les camps de Sabra et Shatila. Un nettoyage qui devait se faire dans la plus grande discrétion. Ouais, c'est quand même difficile de dissimuler la mort de centaines et de centaines de gens. Ah, il n'était pas question de dissimuler, mais d'attribuer la mort de tous ces Palestiniens à des combats en règle entre phalangistes et terroristes de l'OLP. Alors, pourquoi cette version n'a pas été retenue? Parce que des journalistes ont réussi à pénétrer dans sa brèche Shatila et ont vu que c'était essentiellement des civils qui avaient été massacrés et qui l'avaient été procédé à un véritable génocide. Ne voulait pas de moi. Le général des Nations Unies qui l'a adopté à la fin 1982. Enfin, il y a un autre aspect très troublant, celui des Palestiniens détenus dans le stade. Le stade de Beyrouth, hein, qui était voisin des camps. Oui, hein. Oui, un stade qui était tenu par les militaires israéliens. Les phalangistes. Et après les massacres, ils ont procédé à un tri. Enfants d'un côté, hommes de l'autre. Ces derniers, au nombre de 1800, ont été conduits au stade. Et donc remis aux Israéliens. Les Israéliens qui désiraient sans doute les interroger. Le problème, c'est qu'on ne les a pas revus. Tous ces hommes de Sabra et Shatila et qui sont allés au stade. Bah, oui. Et que sont-ils devenus alors? Il y a de fortes chances pour que les Israéliens les aient livrés à leurs alliés phalangistes. Ensuite, oui, dès lors, leur sort était scellé. C'est-à-dire qu'ils ont été assassinés. Vraisemblablement. Et peut-être même pour quelques-uns d'entre eux enterrés sous la pelouse du stade. Mais enfin, on n'y retrouvera jamais. À la fin de la guerre, on a demandé au stade de reconstruire sur ses ruines de luxueuses installations sportives. Oui. Alors, la responsabilité indirecte de Sharon a été reconnue par ses propres compatriotes. Ah, mais un jour, il pourrait faire l'objet d'un procès devant un tribunal international s'il est prouvé qu'il s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité. C'est d'ailleurs ce qui a failli lui arriver à Bruxelles. Oui. Mais les Libanais, enfin, Beika par exemple... Bah, il n'a jamais été inquiété. Très vite, je vous l'ai dit, il a choisi le camp de la Syrie. Oui, l'adversaire d'hier. Oui. Ouais. Et tout en restant responsable des forces libanaises chrétiennes. Parfaitement. Et il en devient même le chef. Ça ne va pas sans difficulté, parce que Beika a des rivaux, en particulier Samir Jaja, un autre des massacreurs de Sabra et Shatila. Et pour échapper à ce redoutable adversaire, il devra même trouver refuge en France. Mais il revient bien vite au Proche-Orient, sous l'aile protectrice de la Syrie, où, comme à l'habitude, il continuera à s'enrichir en se livrant à de nombreux trafics. Bon, la suite est assez chaotique. Bon, Beika soutient un moment le nouveau patron des chrétiens libanais, le général Aoun, mais il le trahit bien vite au profit de ses amis syriens. Puis quand la paix arrive... La paix syrienne. Bien sûr. Beika entame alors une carrière politique et il est nommé ministre à plusieurs reprises. Il en profite pour se livrer à des activités très lucratives. Oui, mais c'est quand même refait le ministre, une respectabilité. Ouais, enfin, son étoile va peu à peu pâlir. Il est évident que la présence au gouvernement libanais de l'un des principaux responsables des massacres de Sabra et Shatila. Et en 2002, vous savez ce qu'il veut dire, il trouve la mort au cours d'un... Franchement, je ne crois pas à la culpabilité israélienne. Je pense plutôt que ce sont des Libanais qui l'ont assassiné. Des gens qui voulaient se venger de lui ou qui voulaient se débarrasser d'un agent syrien. Les services israéliens ont-ils assassiné Beika dans le seul but de supprimer un témoin gênant pour Ariel Sharon, bien sûr. C'est ce qu'on a prétendu aussitôt, en particulier dans le monde arabe. Pourtant, le journaliste libanais Samir Kassir s'est inscrit en faux contre cette affirmation. Dans son journal, il écrit que la soutien de l'assassinat politique aurait exigé un rapport du Conseil des ministres israéliens ou du cabinet restreint. On peut concevoir l'accord de la coalition gouvernementale pour une opération de ce genre, mais l'embrigadement de tous les services israéliens pour défendre les intérêts personnels du Premier ministre ne saurait obtenir l'unanimité et s'exposerait à une révélation rapide de la part des acteurs de la politique israélienne. Le meurtre. Je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements bibliographiques et discographiques.